Aujourd'hui, nous recevons la femme tout azimut, Myrtille Caius. Mais vous vous rendrez compte que son côté humoristique va faire une belle émission, une belle aventure. Alors voici mon ami Myrtille Caius. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Been waiting for us here. I have something to tell you. To do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. Ça vient du Nord, ça, là. L'accent est trop prononcé. T'es mieux été caniche? Oui, non, mais il y a une chanteuse, Julia Palombe, qui les a appelés les chattes. Ah oui, oui. Alors, on va regarder ça. Vous êtes venu avec votre chat? Non, mes chattes. Toujours deux chattes. Oui. C'est un micro, le truc. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour couper le vent. Okay. Ça aussi? Ouais, ça, non, ça c'est la COVID. Non, ça c'est pour faire parler. Ça fonctionne bien. Non, en fait, c'était l'autre qui était... En fait, je connais, en fait... Donc, merci, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va, après une heure de métro, ça va. Une heure de métro? Ouais, tant que ça? Oui, quand même. Ouais. Tu restes à l'autre bout du monde ou je reste à l'autre bout du monde? Non, mais j'habite à l'autre bout de Paris. Ouais. Ouais. Une vraie parisienne. Ouais, ouais, ouais. Parigo. Tu es comédienne? Ouais. Tu as commencé dans le milieu de la comédie, mais pas de la comédie, mais de jouer des rôles à quel toute moment? Petite, parce qu'en fait, moi, je suis fille de comédienne, hein, de tragédieuse, tragédienne, de. Voilà, de comédienne qui fait pleurer dans les chaumières. Au théâtre? Ouais, ma mère était au théâtre. Son nom? Magique Lisette maintenant, mais son vrai nom c'est Justine Dubec. Ok. Mais moi je l'ai renommée Magique Lisette, okay. Parce qu'elle a eu le droit de m'appeler Myrtille, donc donnant. Non mais c'est beau Myrtille. Moi, j'adore Myrtille. Okay, okay. Bleuet en canadien, en québécois. On dit Myrtille, des bleuets. Ouais, aussi, oui, c'est vrai. D'ailleurs pour t'honorer, je suis venue couleur Myrtille. Ben oui. Et puis donc j'ai commencé la comédie toute petite. Un bleuet de... Parce que les gens qui résident à... Là, j'ai un blanc. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Hein? Saguenay-Lac-Saint-Jean est un endroit un peu comme Marseille. Okay? Ouais. Et les gens qui habitent là ont cette... réputation d'exagérer les choses. Ah oui? Donc, eux, là, les bleuets, sont pas gros comme ça, ils sont gros comme ça. T'sais? C'est des melons, quoi. Oui, c'est des citrouilles. Donc, quand quelqu'un du Saguenay te dit quelque chose, tu dois diminuer. Oui, comme à Marseille. C'est ça, ouais, tu ramènes. Donc, si le bleuet était gros comme ça ou la myrtille était grosse comme ça, bon, normalement, c'est un bleuet normal. Bah, sauf dans le film de Tim Burton, parce que dans le film de Tim Burton, t'as Lily Rose qui fait une myrtille qui grossit. Bah, on tease, bien évidemment. Et c'est drôle. En plus, c'est marrant parce que j'ai tourné avec elle. Avec qui? Avec Lily Rose. Ok. Depp. Et puis, je lui ai dit que ma belle myrtille, et qu'elle, elle avait joué une myrtille, une énorme myrtille géante, elle avait rigolé. Donc, on peut dire que t'es une enfant de la balle. Ouais, une enfant de la balle, puis je sais pas. Bonjour. Ah oui, c'est bien ça. Qui a pris la nausée? C'est moi. C'est lui. C'est le chat. Les chats. Pourquoi des chattes? Ça peut être tout bras aussi. Ouais, non, mais ça, ça a été nommé par notre amie. Merci. Julia Pallon. Donc, on garde les chats. Mais en tout cas, moi, je garde les chats. Oui. Ce sont tes animaux. Oui, moi, je fais du théâtre depuis toute petite. Mais je fais aussi beaucoup d'art plastique. Moi, je baigne dans beaucoup de choses. Je écris des livres aussi. Mais t'as pas fait de beaux-arts? Si, je suis diplômée des beaux-arts de Dijon et de Paris. Ok. Et tout en... Si, je suis diplômée des deux écoles en multimédia, en performance, en vidéo et tout ça. Mais j'ai toujours en parallèle continué mon métier de comédienne. Ok. Et mon métier entre... Et c'est pour ça aussi que dans mes one-woman show, j'intègre la vidéo, je fabrique mes costumes, je fais les décors, enfin je fais tout. Aussi parce que le côté art plastique m'a jamais quitté, vraiment. Le clan, la cagoule. Relax, baby, be cool. Autour de nous, le sang coule. Relax, baby, be cool. À la mort, il y a foule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. C'est sûr qu'être sur scène, contrairement à certaines comédiennes, c'est plus facile pour moi que d'être en image. Je gère mieux la scène que l'image, l'image directe. Mais qu'est-ce que la scène te procure, que le cinéma te procure pas? L'adrénaline, la relation directe au public, les applaudissements. Et puis, t'éclates, quoi. Tu peux te lâcher, tu peux lâcher les chevaux. Alors que quand t'es dans l'active, t'es toujours quand même un peu dans la retenue. C'est vraiment un autre mode de jeu, mais j'aime les deux. Mais c'est vrai que j'ai plus de facilité à être sur scène. Et surtout que la vidéo, tu sais jamais là, tu sais après, tandis que quand tu l'as fini ton one woman show, ben les applaudissements. T'as le retour direct ou pas. Exactement, ouais. Ouais. Puis, oui, puis il y a de la vie, quoi. Puis les gens viennent te voir, ouais. Donc, c'est peut-être vrai aussi. C'est comme ça qu'on dit au Québec. Non, mais clients, on en dit des choses, on en dit des choses, oui, c'est ça. Mais on ça, est aux abeilles, on n'est pas à Pigalle, hein. C'est ça, ouais, c'est ça. On est tout prêt. Non, mais c'est ça, les spectateurs peuvent venir te voir, puis il y a vraiment une chance. Oui, puis il y a de la vie, tu sors de là, c'est... Il y a une sensation physique. Après, c'est beaucoup de travail aussi, de concentration, l'acting. Mais c'est notre approche, mais du coup c'est bien de faire les deux. Mais c'est surtout aussi d'avoir de la mémoire pour tout rassembler ça. Oui, bon, ça c'est pas problématique pour moi. Surtout c'est mes propres textes, donc ça va. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Qu'est-ce qui te fait dire, bon, aujourd'hui j'utilise ce médium-là pendant une année? Parce que quand tu écris un one-woman show, c'est pas juste pour deux ou trois spectacles, c'est pour le rouler pendant le plus longtemps possible. Quel médium tu utilises souvent? Est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis, bon, ben aujourd'hui, je vais travailler un one woman show, aujourd'hui je vais travailler une sacoche. C'est vraiment c'est une sensation physique et intellectuelle, c'est-à-dire que là par exemple, tout en faisant mon sac, je suis en train de réfléchir à de nouveaux sketchs que je vais écrire pour moi, parce que je vais monter mon one woman. Parce qu'après pendant le Covid, j'ai pas trop joué quand même. Je suis pas la seule dans ce cas, donc je me sens pas complètement isolée. Mais du coup, là, je vais monter mon spectacle qui s'appelle Perverse Artistique, qui est un one-woman show littéraire, engagé. Féministe, oui. Machiste aussi, parfois. Mais avec des vidéos, des films. Et là, j'intègre. Là, il y a de la vidéo dedans, parce que c'est alterné. Chaque sketch est alterné par des vidéos sur les expressions de la langue française. Mais là, je vais intégrer un ou deux films que j'ai réalisés pendant le Covid, parce que pendant le Covid, comme je ne pouvais pas être sur scène, j'ai réalisé des films. Et c'est des films qui sont à la base des sketchs que j'ai transformés en films. Oui, ok. Et du coup, bah là, par exemple, en ce moment, tout en faisant un sac, j'écris mes sketchs dans ma tête et ça me permet de me concentrer et de réfléchir en même temps. Je suis un peu en arborescence, quoi. Ça s'arrête jamais. Je m'épuise moi-même. Mais bon, il convient. Je m'auto-épuise. C'est pour ça que je fais du sport aussi, parce que sinon. Ok, t'es hyper active. Ouais. Ouais, mais le café aide pas non plus. Oh, j'en bois pas tant que ça. Ok. Mais oui, je suis quand même beaucoup dans l'action. Est-ce que ça prend de l'énergie? Ben, ça prend de l'énergie aussi pour faire tout ce que tu fais, parce que ça vient pas tout seul. Surtout quand tu montes un... Pourquoi tu ris? Parce que c'est marrant. Je réfléchis en même temps. Ah. Non, mais parce que quand tu montes un One Woman Show, une fois que c'est écrit, il faut que tu trouves ta salle, il faut que tu trouves... Ouais, c'est pas facile. As-tu déjà joué au bout? Oui, j'ai déjà joué au bout. Je leur ai même eu des subventions il y a... Ah, mais c'est pas mal, hein? Il y a des années de ça, ouais. C'est une petite salle intéressante. Ouais. Non? Mais oui, pas bon. Ben, j'y retourne, mais bon. Okay. Ça, c'est pas tellement... Je suis allé au bout. Ouais, okay. Je suis allé au bout du bout. Ouais, au bout du bout, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas tant de salles que ça. En fait, moi, je joue souvent dans des lieux incongrus. Je vais maintenant jusqu'à créer des lieux, entre guillemets, qui ne sont pas faits pour le jeu. Et je vais jusqu'à les aménager en salle de spectacle. Là, le dernier lieu où j'ai joué, c'est le campus des maquilleurs. Ben, ils seront contents que je les cite, d'ailleurs. C'est un campus, c'est pas vraiment un campus, mais c'est une école de maquillage qui est complètement aménagée avec des lampes partout. Ça fait très musical, c'est super beau. Et du coup, bah, j'ai joué là-bas. La dernière fois que j'ai joué, c'était là-bas. Et ils ont une salle où on a pu projeter mon film Robota. Et ensuite, j'ai joué une partie de mon spectacle. Ok, ça fait pas partie de ton spectacle. Quoi donc? La vidéo fait pas partie de ton spectacle. Okay. C'est intégré, c'est complètement imbriqué. Mais là, j'avais fait le lancement de mon film Robota, qui est un court-métrage. Robota, la robot popote. Et en même temps, pour que les gens voient un panel de l'ensemble du travail, parce que Robota, à la base, c'est un de mes sketchs. J'ai présenté l'extrait du spectacle et à la rentrée, je vais refaire ça. Mais quand tu montes ce genre de spectacle-là, il y a beaucoup d'interventions, oui, vidéos, tout ça. Il n'y a pas un risque que quelque chose ne fonctionne pas? Bah, tu as toujours le risque. Après, c'est en fonction du public le risque aussi. Chaque public ne fonctionne pas pareil. Et tu peux t'apercevoir, par exemple, qu'un public va complètement adhérer à un truc et un autre public pas du tout. Il y en a qui vont rire. mais qui vont pas te faire beaucoup d'applause à la fin, d'autres qui vont être d'autres qui vont pas rire du tout, puis qui vont dire putain j'adore ton spectacle, c'est génial. Tu vois, c'est très très différent le public. Hein. Et bah après j'essaie de cibler quand même mon public parce que moi mon travail est quand même assez particulier. Hein. C'est littéraire, c'est pour les gens qui aiment les mots, pour les gens qui aiment un peu, je dirais, cogiter quoi. Tu vois, c'est pas du tout non quand même. C'est pas facile. C'est pas un spectacle facile, faut y m'écouter. Après c'est copieux, mais c'est très vivant aussi, attention. Hein. Puis c'est accessible, c'est accessible. C'est accessible au second degré. Ah ouais, ouais, ouais. Ben c'est comme Raymond Devaux. C'est un peu ça, je viens de cette école-là, moi. Ouais. Ouais. Alors c'est accessible. Ouais, ouais. Ouais. Chez nous, il y a Sol qui jouait beaucoup avec les mots. Le clown Sol. Ouais, je connais. Ouais. C'est à peu près le même principe. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. J'parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. J'parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. L'âge de bûcherons. Vous connaissez ça, vous, au Québec, les bûcherons? Bah oui, Et donc. On roule sur les pitons. Des pitons? Les pitons. Des pitons, c'est quoi? On roule sur les pitons. Les pitons, c'est le bois que l'on place. On abat un arbre, on enlève les branches. Ce qui reste, c'est le tronc. Hein? C'est bio. Ouais. Alors, il y avait des draveurs qui plaçaient plein de troncs et qui roulaient dessus pour les diriger à un endroit pour les faire transporter, les transporter. Donc, on appelait ça des pitounes. Ils roulaient sur les pitounes et il y avait beaucoup de draveurs qui en crevaient parce que si tu mets le pied entre les deux, tu passes en dessous, donc tu peux plus remonter. Donc, alors, on appelait ça rouler sur les pitounes. Et chez nous, au Québec, une pitoune, c'est une fille bien roulée. Bien roulée. Alors, rouler sur une pitoune, ça peut avoir plusieurs sens. C'est ça, exactement. Ouais, et ça s'écrit comment, pitoune? P-I-T-O-U-N-E. Ah oui, d'accord. C'est pas comme les Monty Python. Non, mais en même temps, quand les gens jouent bingo, okay, les jetons, là, chez nous, on appelle ça des pitounes. J'adore le vocabulaire. Parce que piton, piton, ouais, pitoune. Piton, pitoune. Ouais, j'adore. Puis quand tu vois une belle fille, la belle pitoune. Ouais, elle a une belle... Une belle pitoune. Oui. ça attire la chatte, hein? Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais. Ça attire les chats. Miaou, miaou. Dans les félins. Donc, ton travail est quand même multimédia. Ouais, c'est polymorphe, ouais. Ça prend beaucoup de formes, effectivement. Alors, en France, c'est bizarrement vu, les gens ne savent pas où te mettre, machin. Ils essaient toujours de te mettre dans une classe. Et c'est très bizarre, hein. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas comme ça. Tu peux faire beaucoup de choses sans être catalogué d'OVNI, quoi. Quoique ça peut être une belle carte aussi. Ouais, après... Ça nuit plus que ça aide. Oui, je peux, oui, parfois oui. Oui, oui. Mais comment tu fais pour briser un peu le carcan? Bah, je ramasse tout dans mon spectacle, c'est-à-dire que dans mon One Woman Show, il y a tout ce que mon savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a la comédie, il y a l'écriture, il y a les costumes, il y a les vidéos. C'est le seul endroit, où c'est la seule maison où je peux présenter à tout le monde l'ensemble de mon travail. Je fais des produits dérivés aussi que les gens peuvent acheter à la fin du spectacle. Tu vois, c'est... Je fais des produits dérivés. Ok, c'est-à-dire bah, des accessoires, des petites choses que les gens peuvent acheter, des bijoux. Et c'est le seul endroit, c'est la maison mère, entre guillemets, mon spectacle. Alors les gens vont voir un spectacle, mais ils peuvent s'acheter une broche. Ouais. Qui n'a rien à voir avec le spectacle, mais c'est ce que tu fais. Si, elle a à voir, parce que si, c'est elle a à voir quand même. Ça a toujours un lien, si, un conducteur. Ouais, ouais. Ok, c'est parce que dans la pièce, je sais pas, le personnage prend une broche et cette broche-là est avant. Ouais, ou il y a un accessoire qui va ressembler à la broche, tu vois. Ok, oui, ok. Ah, toujours. Attention, hein. Des sous, toujours des sous. Ouais, des sous, puis que les gens repartent avec un truc sympathique, quoi. Enfin, c'est comme les DVD, tu vois. Ouais. Pareil. Mais c'est plus rapide qu'à faire un DVD. Bah c'est plus la mode de faire des DVD, mais j'en fais quand même. Ouais, mais non, mais la mode, on disait il n'y a pas longtemps que le vinyle était terminé, puis regarde le retour regarde du vinyle. Regarde le vinyle. Non, ouais, c'est ça, exactement. Vive les DVD. Oui, vive les DVD, vive les vinyles. Et alors ton travail est hétéroclite. Oui, c'est bien parce que tu utilises plusieurs mots pour le définir. On va se faire tout le dico là, c'est top. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas uniquement un style, c'est plusieurs branches. Donc, ouais. tu peux faire en une année plein de trucs sans revenir à la même chose. Oui, exactement. Oui, puis les thématiques varient. Les thématiques sont incessantes et variantes, comme le Covid. Ouais, il y a plusieurs variants dans mon spectacle. Ouais. Okay. Mais c'est mieux que la Covid. Hein? C'est mieux que la Covid, j'espère. Le Covid. Le COVID. Comme dirait Blanche Gardin, quand ils ont compris que ça allait être long et chiant, ils ont décidé de le mettre au féminin. Ouais, c'est ça. Le Covid. Mais peu importe, tu veux vraiment... T'es rendu à ton combien, One Woman Show? Pardon? Tu es rendu à ton... C'est le quatrième ou le cinquième. Tu sais pas. Ouais, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième, je sais pas. Et là, bah parce que de toute façon, dans le pire des cas, non, de toute façon, ce sera le cinquième, puisque je vais remonter celui-ci, mais avec des nouveautés. C'est-à-dire que le pervers artistique, je l'ai arrêté à un moment à cause de ce truc étrange qui nous est tombé sur le coin du nez, mais qui n'a fait de notre vie un bal masqué permanent. Mais du coup, je vais reprendre ce spectacle, mais avec quelques sketchs nouveaux, et voilà. Les gens vont pas voir tout à fait le même spectacle. Mais c'est ça que je veux en venir. Donc, il y a des personnages que tu réutilises dans chaque spectacle. Oui. Donc, les personnages que tu prends ont une seconde vie. Ouais. Ils sont recyclés. Ouais, non, mais ils ont des choses à vivre et tu veux les représenter Exactement. Autrement. Dans voilà. Est-ce qu'ils vieillissent avec toi ou s'ils sont intemporels? Non, ils vieillissent un peu avec moi. J'ai remarqué, par exemple, sur la chirurgie esthétique, un sketch s'appelle Chirurgie chérie comme de la chair. Et je l'ai recyclé, j'en ai fait un objet plus moderne. Parce que dans la chirurgie, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps. Donc, tu t'intéresses? Oui, ah oui, j'ai rechronologiqué ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des opérations complètement nouvelles. Il y a un point de vue nouveau. Donc, est-ce que ça paraît moins? Je leur fais des liftings. Est-ce que ça paraît moins aujourd'hui? Quoi? Les liftings, est-ce que ça paraît moins? Parce qu'on peut savoir, vraiment, c'est facile. Ouais, ça paraît... Non, ça se voit, ouais. Ben oui, mais tu me dis, il y a des nouvelles façons de faire. Est-ce que ces nouvelles façons de faire-là sont un peu moins visibles? Est-ce que ça a l'air plus naturel? Non, c'est même pas ça, c'est que je parle de la chirurgie au sens où on opère des choses qu'on n'opérait pas avant. Ben, quand je vois tes micros, ouais. Si tu veux parler de ça. Hein? Les femmes sont opérées, par exemple, du sexe, quoi, de la chatte, ouais. pour avoir des petits minous de prépubères, alors qu'elles sont soixantenaires, tu vois. Ouais. Et c'est de nouvelles opérations. La chirurgie part beaucoup de l'univers pornographique, les seins, c'est pareil, la bouche, c'est pareil. Il faut voir que toute la chirurgie plastique, c'est partie des films porno. Et maintenant, c'est un peu comme de la haute couture. Ouais. Où tu vois, on part d'un truc et puis après, ça devient banal, quoi. Non, mais il y a des modes aussi. Il y a des modes. Comme en 2022, la mode, c'est de se refaire X, Y, Z. Oui. C'est ça? Mmh. Oui. Et c'est quoi, mais c'est quoi en 2022 pour être in? Ah bah de partout quoi, de tu te fais opérer de partout, ah ouais. C'est complètement in, mais c'est surtout out. Hein. Mais ça se voit que l'on out. Mais toi t'es contre? Moi je suis pas contre, je m'en fous en fait. Non mais toi est-ce que tu veux l'utiliser à un moment donné? Moi j'ai jamais utilisé. Non mais en vieillissant, là t'es jeune. Non, moi je suis un peu réfractaire à ce truc là parce que comme je dis, la chirurgie, c'est une machine à freak comme les monstres, mais comme les monstres, à freak et à fric. Et quand tu regardes, c'est des objets plus atypiques que des. On dit des filles comme moi qu'elles sont atypiques, parce que j'ai un nez qui est particulier, j'ai pas la tête à tout le monde. Par contre, les nanas qui se font refaire, vraiment toutes refaire, elles sont vraiment très très atypiques. Et du coup, on a un peu inversé ce côté-là. Elles se font des têtes souvent. C'est ni vieux ni jeune, elles se font des têtes d'ovnis quoi. Après, quand tu vois Madonna, ce qu'elle s'est fait, c'est pas se rajeunir, ça. C'est changer de planète, c'est changer de planète, quoi. Mais Tori Amos, ça m'a tellement déçu. Qui? La chanteuse, Tori Amos. Ah oui, non, j'ai pas vu. Oh, elle fait une tournée, là, de. Ah oui, pas vrai. Non, j'ai pas vu. C'est dommage. Du coup, c'est triste, dommage. C'est des filles, c'est Nicole pas... Kidman. Nicole Kidman. Quel dommage. C'est pas laid, vieillir. Non, après, c'est plus facile de le dire que de le vivre, mais... Mais c'est vrai que... C'est justement, c'est le rapport à l'image en permanence, mais c'est pas le rapport à la vie. C'est quand ton image prend plus de place que ta vie, c'est étonnant. On devrait davantage apprendre à s'apprivoiser comme on est. Oui, oui. Moi, j'avais écrit un livre là-dessus qui s'appelle Ni parfaite ni refaite, la beauté n'est pas une figure imposée, qui a bien marché d'ailleurs. Et c'est justement, ça explique ça. Ça explique le côté on veut te faire rentrer dans le moule à tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, faut quand même résister un peu à un moment donné. Moi, je résiste. Ça me ferme des portes, ça c'est sûr, mais je résiste quand même. Et ça t'en ouvre aussi? Ça t'enferme plus que ça t'en ouvre? Ouais, s'il y avait. Oui, j'en sais rien, mais je pense que ça m'enferme quand même. Parce que je souris, d'accord. Hein? Non, bah, je souris parce que je souris. Moi, parce que j'aime bien rire. Ok. Es-tu une fille naturellement joyeuse? J'ai le rire facile, ouais. Après, la joyeuseté, ça peut être. Oui, après, à l'intérieur, je ne suis pas forcément joyeuse, non? Mais oui, j'ai un tempérament d'abord joyeux, quand même. Bah, heureusement, d'ailleurs, de toute façon. c'est pour être dans le pathos en permanence. Si quand tu vas mal, si en plus c'est pour pleurer, non, quand tu vas mal, tu ris. Si plus tu vas mal, plus tu te dois de rigoler et de faire rire les autres, sinon à quoi ça sert? Effectivement. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as fait il y a 5 ans, ben, pendant tes 5 spectacles, que tu as enlevé parce qu'ils n'ont plus rien à dire ou ils t'intéressaient moins? Ouais, ben c'est marrant, je parlais de ça hier avec ma mère qui est ma metteuse en scène, qui s'appelle Magique Lisette, dont on parlait tout à l'heure, puis co-auteuse, et on travaille beaucoup ensemble. Et finalement, je disais, j'aimerais enlever le sketch sur mon père. Et j'ai dit, je vais le remettre. Ça s'appelle La Bâtarde à Marcel. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe française, j'adore la boxe. Et c'est une fille qui boxe son père, parce que mon père m'a abandonné, il m'a reconnu sans me le dire. Enfin bon, c'est un bâtard, quoi. Alors que la bâtarde, en réalité, c'est moi. Mais du coup, ça s'appelle La Bâtarde à Marcel. Et je boxe mon père pour régler mes comptes. Et je dis, tiens, ça boxe. Je l'ai enlevé de mon spectacle depuis longtemps. Pourquoi? Je sais pas, j'avais plus envie de le faire. Peut-être parce que j'avais moins de comptes à régler avec lui. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, non, je vais le remettre. Parce que. Tu veux faire le point? Oui, je veux faire le point P-O-I-N-G, ouais. Et puis j'ai envie de boxer. Je suis colère en ce moment. J'ai envie de boxer. À propos des hommes. Les hommes en général. Oh, pas tous les hommes, je déconne. Ils aiment bien les hommes quand même. Je suis pas complètement contre. C'est quand je suis pas assez contre que je commence à les vénérer. Mais c'est. Non, mais je me dis, j'ai des comptes à régler encore avec lui là. Est-ce qu'il est encore vivant? Non, justement, il commence à vieillir, donc faut que. Enfin, il est encore vivant. Faut que je l'achève un petit peu, là. Ouais, mais tu sais où il habite ou ici, Tony? Oh, je sais tout. Hein. Ok. Je sais tout. Hein. Ok. Mais justement, je trouve que c'est bien de parler de ça, de la reconnaissance, du manque de reconnaissance. Boxer son père, ça fait du bien de boxer son père. Mais quelle est la différence entre la boxe ordinaire et la boxe française? La boxe française, c'est pieds-points. Ok, la boxe c'est anglaise, du kickboxing. Non, c'est de la savate, c'est l'ancienne savate. À la base, la savate, c'était des gens qui se tabassaient dans la rue avec des cannes. Okay. La canne et la savate, c'est pareil. Et puis un jour, justement, ça a dérivé. Et d'un seul coup, c'est devenu la boxe pied-point, c'est-à-dire tu boxes avec tes jambes et tes poings. Oui, mais c'est pas du kickboxing. C'est pas pareil le kickboxing. Ah. La savate, c'est français, c'est beau, c'est un beau sport. C'est très chorégraphique. Comme le capoeira, mais la capoeira, mais c'est. Il y a un petit côté très. Il y a un côté danse dans la boxe française. C'est ça que j'allais dire, mais. Tu peux te blesser? Ah oui, ça fait mal. Hein. Ok. Est-ce que tu pratiques encore? Non, mais quand je m'échauffe ou quand je fais des. Si, je suis pas toute seule, mais je vais plus en club pour ça. Alors, tu es capable de te défendre si quelque chose. Ouais, je suis pour. Ou tu peux me défendre? Non. Non, non moi, je, moi je, me, je suis pour. Ah, ok, puis tu me laisses. Je t'attrape, je te tire par les cheveux, je te mets sur les épaules. Et on part en courant. Pour moi, c'est oui, j'ai vu des photos. Ouais, si tu n'avais pas la barbe, ça te change. Hein. Oui, ça te change. On te reconnaît à peine même. Oui, ben même quand je passe aux douanes, c'est très. Oui, c'est. Mais ça, c'est la. Il te fouille la barbe aux douanes, ça sonne, c'est dans la barbe. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Regardez, il a planqué le diable. Oui, c'est exactement. Non, mais c'est parce que c'est pas la même photo, c'est pas le même visage. Ça change vraiment. Hein. Oh oui, aux douanes, c'est plus difficile. Et pourquoi? Parce que c'est ta photo de carte d'identité, t'as pas ta barbe, c'est ça? Ben non. Ah. Non. Non, ça c'est COVID. Ils pensent que tu t'es radicalisé. Il s'est dit, non, mais quand elle va le pouiller, ça. Ah non, mais c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon tour européen, j'avais 19-20 ans, je suis parti avec mon colocataire, puis. Pourquoi tu ris? C'est l'accent, j'aime bien. J'étais nouvellement, tu sais, j'avais une petite barbe, mais qui n'était pas. Qui n'était pas Henri VIII, quoi. Ben, là, c'est presque Henri VIII, quand même, non? Ben, elle manque plus que les fleurs, puis on est bon. Hein. Elle était c'est barbe bleue, même là. Non, mais moi, non, un branchement de lumière. Mais elle n'était pas fournie, OK? Et je ressemblais plus à un complotiste ou quelqu'un. Oui. C'est pour ça que tu le dis doucement. Je tu complotes quelque chose. Exactement. Préparer ça le coup. Oui. Mais là, celle-là est plus fournie. Oui, ben, je te confirme. Ouais. C'est de l'entretien, là. Non, pas du tout. Vous allez où? Oh, ouais, tu laisses pousser. Oui, c'est ça, exactement. C'est la forêt amazonienne. Ah, donné, quand je vois plus rien. Fais gaffe qu'il n'y ait pas des animaux dedans. Hein. Ah, il y en a. Non, pitié, je ne veux pas savoir lesquels. Hein. Oh, non, c'était... Déjà que tu as des bizarres, déjà que t'as des micros bizarres, là. Non, mais ils sont très dociles, sans comme moi. Ok. Non, mais il y a une dame, j'étais à l'intérieur du Sancerre. Sancerre! Sancerre! Sancerre! Sancerre! J'ai plus Sancerre, c'est pas Sancerre! Et puis, il y a une dame, j'étais en train de discuter, puis on était devant la... Ben, les micros étaient devant sur la table, et puis moi, j'étais dos à la dame, puis je voyais la dame qui regardait, puis elle pensait que c'était des chats. Non, mais des vrais chats, là. Hello Kitty! Ouais. Mais je dis, oh, tu peux voir non, que c'est un chat. Ça, mais quand il est en boule, le chat, tu sais... Ouais, ça ressemble à un chat. Mais dis donc, c'est pas ici qui a été tourné Amélie Poulain, tu sais? Non, non, peut-être. Oui, peut-être. Non, je me rappelle plus. C'est pas ici que ça a été tourné Amélie Poulain, je confonds. Non, c'est en bas. Ah ouais, c'est là. Bon, on va dire que c'est ici, on s'en va. Qu'est-ce que je vois, puis... Donc, mais ça fait beaucoup parler, c'est merveilleux. Bah oui, ça fait parler. Depuis qu'Eddie Mitchell est allé à Nashville, tous les rockers français ont carrément flippé. Ils ont pris leur guitare et ont quitté Belleville pour aller faire du rock là-bas aux USA. Ils font du rock'n'roll à Memphis, Tennessee, avec des musicos qui assurent comme des bêtes. Ils vont à New Orleans ou à New York City pour trouver le meilleur feeling de la planète. Mais moi pour m'éclater, pas besoin d'aller si loin, je joue du rock'n'roll à Lille, au Bétourcoing. Avec deux trois copains aussi mauvais que moi, on assassine Mozart, Beethoven et Chuck Berry. Avec le gros Lulu et sa guitare en bois, on fait du rock'n'roll qui est carrément pourri. Dans les bouges de l'île, les bistrots de Tourcoing, où la bière coule à flot sur les tonnes de street, on fait danser le twist et le rock aux copains, en jouant les vieux tubes de Johnny et d'Elvis. On a des blousons de cuir et des vieux mocassins, on fait du rock'n'roll à l'île, au Bétourcoing. Ces quatre matins, on viendra les pop stars. À nous les hits parades et puis à nous qui luxe. Même si on est mauvais, on garde quand même l'espoir de connaître la gloire, la fortune et le luxe. Mais on n'oubliera pas notre pays natal et on retournera dimanche et jour de fête, jouer comme autrefois dans tous les festivals pour trouver le meilleur feeling de la planète. On laissera pas tomber tous nos anciens copains. On fera du rock'n'roll à l'île, Tourcoing. On fera du rock'n'roll à l'île, au Bétourcoing. On fera du rock'n'roll à l'île, au Bétourcoing. Mais les camions, oui. On va revenir un peu à ta carrière et à ton travail. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as enlevés? Parce que là, tu n'as pas vraiment répondu. Si, ça, là, la bâtarde de Marcel. Non, mais là, tu l'as remis. Non, je ne l'ai pas encore remis. Je suis en train d'y travailler. Est-ce que tu retravailles le texte ou tu gardes la même chose? Je retravaille souvent le texte. Là, il n'y aura pas grand-chose à retravailler parce que c'est vraiment du vocabulaire entre la boxe et le père. Enfin, c'est assez... Le truc est déjà bien écrit. Après, il y en a un autre, ouais, bah, le mariage gay, j'ai écrit un texte sur le mariage gay, je pense que je vais le retravailler un petit peu. Et il y en a un autre, c'est un autre truc, c'est sur le côté wesh-wesh, tu sais, les racailles de banlieue, j'aimerais bien en mettre une comme ça. Les racailles de banlieue. Ouais, j'ai un personnage qui est très racaille, j'aime bien faire des racailles. Ouais. Ok. Moi, je suis une racaille du 1-6, moi. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Il y a des personnages, on se demande. Hein. C'est comme j'ai un de mes personnages, c'est une coach sportive. La meuf, tu sais pas trop si c'est un mec ou une gonzesse. Hein. C'est. Androgyne. C'est bourrin, quoi. C'est très, très bourrin. Non, mais c'est David Bowie. C'est David Bowie en mode. Muriel Robin. Non, non, en mode Depardieu, là. Ah, c'est Bowie en Depardieu, là, tu vois. Ah, ça tape dans le dur, là. Okay. Ouais, ouais, là non, mais Depardieu... C'est David Bowie qui bouffe du cassoulet, quoi. Qui est d'aujourd'hui, là. Voilà. Ça tape dur. Ouais, ouais, ouais. Mais tes personnages, est-ce qu'ils font partie de toi? Ou si tu les... Ou tu les travailles? Est-ce que tu les travailles? Je les travaille, mais c'est quand même moi. Comme je dis, moi j'aime bien dire, je suis moitié sirène, moitié bourrin. Et je suis bélier ascendant balance, moi, si tu aimes l'astrologie. C'est bourrin. Tu es quoi, l'astrologie ? Ouais, j'aime bien. Et le bélier, ça rentre dedans, c'est la bourritude, c'est bah, bah, bah, ça parle fort, ça casse les burnes. Alors que la balance, c'est la diplomatie, c'est, la, tu vois, c'est l'esthétisme, c'est le selfie toutes les deux secondes, enfin, tu vois quoi. Et c'est reprendre le maquillage régulièrement. Ouais, ah, voilà, c'est tout au make-up. Et du coup, je suis les deux, moi. Je suis vraiment les deux. Et je suis androgyne dans ma tête. Je ne suis pas physiquement, mais je suis androgyne dans ma tête. Je suis un garçon manqué dans ma tête. Mais du coup, mes sketchs, tous mes personnages sont un peu comme ça. Je fais des hommes, des femmes, je fais tout. Aimes-tu les retrouver, tes personnages, quand tu écris un nouveau one? Ah oui, je les aime bien, ouais. Ouais. Ils font partie de ta vie un peu comme... Oui, oui, bah oui, c'est ma famille, hein. C'est ma famille, ouais. C'est ma... Je suis pas toute seule à l'intérieur. Ouais. Non, moi non plus, ça tombe bien, moi non plus. Mais... Je me sens jamais seule. Bon, j'en ai plein, là, dans ce dernier spectacle, j'en ai... le dernier pervers artistique, j'en ai une dizaine. Ok. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres? Oui, c'est vraiment en fonction du public. Par exemple, Robota, ouais, c'est pas le sketch le plus drôle, mais c'est un sketch dont tout le monde me reparle. C'est ma robot, elle est impressionnante quand même. Monique Ladérache, les gens l'adorent. Alors que c'est une salope intégrale. Mais moi, j'adore la jouer. C'est mon petit côté sado, là. J'aime la faire. Elle est odieuse, elle est monstrueuse. Mais j'ai un petit côté Monique, moi, quand même. Mais quand tu prends ton personnage, as-tu aussi des vêtements, des costumes? Ah oui, qui vont avec, bien sûr. Des vêtements que je fabrique exprès, des accessoires que je fabrique exprès. Mais il faut que ça se fasse vite. Ouais, ça se fait vite, ouais. Là, j'ai une queue de sirène, j'ai un sketch où je suis en sirène. Alors, t'évites les boutons, t'évites... C'est vrai, il faut... J'enfile, oups. Et oui, j'ai une sirène. Alors, c'est une sirène qui est sur une fille qui a un QI de 166 et que tout le monde prend pour une conne, mais en fait, elle a un QI de 166. Ouais. Ça s'appelle QI de moule. Celui-ci, une dame qui m'a dit c'est très dur à écouter celui-là parce que c'est une fille qui se fait passer pour conne pour cacher qu'elle est intelligente en fait. Et c'est le cas de beaucoup de femmes, ça. Ouais. Ils sont obligés de se diminuer pour être acceptés auprès des hommes. Ouais. Et celui-ci il fonctionne bien auprès des femmes un peu costauds. Ouais. Et les hommes, ça les fait moins rire, par contre. Ouais, parce qu'ils se retrouvent un peu là-dedans. Là. Ouais, mais tout est ambigu dans mon spectacle, parce que tu vois, je me mets un costume de sirène pour montrer une fille hyper intelligente. Donc, moi, je suis sexy dans mes costumes. Sur scène, je suis sexy. Mais je développe des thématiques qui ne le sont pas. Ouais. Donc, il y en a pour tout le monde. Des contrepoints. Ouais, il y a un petit côté ambigu, quand même. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des personnes... Perverses artistiques. Oui, perverses artistiques. Éventuellement, quand tu réécris, veux-tu aussi prendre des nouveaux personnages? Oui. Là, les deux nouveaux sur lesquels j'écris, c'est sur le genre, le transgenre, tu vois. Et ça va s'appeler « C'est pas mon genre ». Et je vais développer tous les clichés, entre guillemets, autour du genre. Pour dire c'est pas mon genre, mais moi j'aimerais bien parfois être aussi un homosexuel pour pouvoir jouer les femmes d'une autre manière. C'est des thématiques comme ça. Il y en a un autre où j'ai... Attends, c'était quoi l'autre? Je sais plus ce que c'est. Ça va me revenir. C'est écrit, non? Pas encore? Non, c'est en gestation. En gestation, exactement. La graine est plantée, il n'y a plus qu'à pousser, mais il faut quand même la faire pousser, la graine. Mais faut l'arroser. Faut l'arroser, ouais. Du coup, c'est la vie qui te l'arrose. Vie, c'est mon état d'âme, c'est... Les rencontres, c'est les... L'humeur, ouais, et puis c'est la phrase qui déclenche tout. Là, quand j'ai le titre, je c'est sais les qu'après... C'est ouais, et quand j'ai le titre, je sais déjà que ça va le faire. Ok, si t'as pas de titre, tu fais rien. Il y a rien qui se Le titre agence beaucoup... En montant chez Kate, en réalité, oh oui, gars, à tous les étages. Le titre, ouais. C'est quand même le squelette du sketch en général. Ouais, ouais, comme ouais. Le cuit de moule, par exemple. Cuit de moule, ça y est, c'était parti. Hein. Ah, mais t'as raison que c'est le titre qui... C'est la colonne ouais. vertébrale. Ouais, c'est la locomotive. Exactement. Ouais. Et puis là, bah, je vais aussi réaliser un autre court-métrage sur la bouffe, issu aussi d'un de mes sketchs qui s'appelle « Tu vas manger hein, ». Et qui se... Qu'est-ce que tu veux avancer comme idée? Bah, il est déjà écrit, ça s'appelle « Tu vas manger », c'est sur tout ce qu'on... Non, c'est sur tout ce qu'on ne peut plus bouffer, quoi. Et j'ai un sketch... Tout ce qu'on ne... On ne peut plus manger, tu vois, bah, le côté... Je montre que quand on mange ça, on dit que c'est pas bien, on dit que non, ça c'est pas bien. Ah, moi j'ai des frites, le côté vegan, ouais. Voilà, tout ça. Et c'est un sketch qui développe ça, à partir d'un livre de Michel Onfray. Et ça part de ça, et du coup je parle... Philosophe. Ouais. Il y a bien vieilli, pas non, même, je l'ai vu ouais, récemment. J'adore, hein. Ouais, j'adore. Ouais. Il s'adore aussi, c'est ce qui est oui, oui. Bah, il a raison de s'aimer. Ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Si lui s'aime pas, ce serait dommage. Non. Ça me fait penser à une phrase d'Hubert Félix Stiefen, qui dit « Ah, si j'étais Dieu, je croirais pas en moi. Ah, » bon. J'adore cette phrase. Ah, c'est bon. Ouais. C'est vrai. Pierre Onfray, c'est lui qui t'a amené l'idée. Ouais, parce qu'il a parlé un jour dans un livre de ça, de la bouffe. Son premier livre, c'était sur la bouffe. Et du coup, ça est parti d'un truc comme ça, de son livre. Ben, écoute, c'est intéressant parce que au Sancerre, j'ai rencontré Jean-Pierre Coffre. Oui, j'ai vu la photo. Qui allait prendre la photo de son livre, ça se bouffe pas, ça se mange. Mmh. C'est bon comme idée, ça se bouffe pas, ça se mange. Un respect pour la nourriture. Ah bah lui, oui. Lui, dès que c'était pas de saison, il mangeait pas. Mais il a raison. Jean-Pierre Coffre, super. Un extrémiste. Ah oui, oui. Oui, je l'aimais beaucoup ce type-là. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi le rapport qu'on a avec la nourriture, le rapport qu'on a avec le mot. Quand tu dis « je vais bouffer », il n'y a pas d'attention, c'est là pour manger. Mm. Tandis que quand tu dis « ça se bouffe pas, ça se mange », ben là, c'est le regard, c'est le plat préparé, c'est toute la façon d'amener le produit. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, comme le titre en disait long. Mm. Comme tu disais, quand tu as le titre, le reste va. Mmh. Et là, je pense défricher beaucoup de sentiers, ce monsieur-là. Et tu connais l'expression « tu vas manger » parce que c'est ambigu. Quand tu dis à quelqu'un « tu vas manger », ça, tu vas t'en prendre plein la gueule. Non, mais nous, c'est « tu vas en manger une ». Manger une, ouais, c'est un peu tu équivalent. Donc, tu vois, c'est... Mais là, « tu vas manger », ça ne dit pas grand-chose, mais « tu vas en manger une », attention. Vois, nous, c'est « tu vas manger », mais du coup, ça explique tout ça. Oui. Et tu vas prendre cher, quoi. Et voilà. Ouais, c'est vrai que le rapport à la nourriture est spécial. Tu vas penser au bat. Au quoi? Au bat. Au bat? Tu vas passer au bat, parce que un bâton, tu vas passer au bat. Oh, au bat! Mais un bat aussi, c'est un joint. Ah. Puis pour un homme, un bat, c'est son phallus. Ah. Alors, il y a plusieurs bats. Ah, tout se fume chez vous. Oui, tout se fume chez nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf ça. Sauf le micro qui se prennent pour des chattes. Es-tu fumeuse? Je suis pas fumeuse, non. Non, mais sans blague. En plus, vaut mieux pas trop me dire ça parce que j'ai découvert que c'était un truc un peu bizarre de dire ça à une nana. Pourquoi? Le jour, j'étais dans un jardin, on était sur un banc avec ma mère. Et il y a un mec, j'avais pas compris que c'était un jardin un peu bizarre où les mecs ils viennent voir des filles. Puis nous, on était là, on discutait tranquille quoi. Hein? Et il y a un type complètement zarbi. Zarbi, moche, blaireau, con quoi. Ouais. Et il s'approche de moi, puis il me fait vous fumez. Sur le coup, j'ai pas compris. Et j'ai dit non, je fume pas. Puis après, j'ai réalisé que c'était un code en fait. Le code, c'était tu fumes, ça voulait dire. Non, mais normalement. Pas de ta galette. Non, je suis pas sûr. Moi. Si, c'était ça. Mais je vais te dire pourquoi. Si, après, je me suis fait confirmer. Par et en fait, si, c'est par des copains. Okay. Ils m'ont dit si, le mec te demandait carrément. J'ai dit attends, j'ai super mal pris. Alors que maintenant, quand on te demande si je fume, il y a un risque de claquage dans ta gueule. Ah, ça avance, c'est proche, mais c'est pas grave, ça absorbe. J'ai vérifié, ça absorbe très bien. Est-ce que tu fumes? Bam! Tu l'as vu celle-là? Prends ça dans ton bat. C'est ça. Ben oui. Mais tes personnages, tu les... Est-ce que certaines... Quand tu écris, as-tu déjà l'idée de personnage? Ou si c'est eux qui amènent déjà la... Non, c'est l'écriture qui apporte le personnage, en général. Moi, tout part de l'écrit. C'est-à-dire que dès que j'ai l'écrit, je découvre comment doit parler mon personnage. C'est souvent l'écriture qui m'amène au personnage. Et pas l'inverse. Sauf, peut-être excepté Monique quand même. Mais Monique, c'est un vécu. C'est-à-dire que j'ai inversé les rôles. Moi, j'ai connu une nana qui était très vache, hein, qui était une DRH. C'était pas une vraie DRH, c'était une assistante. Hein, parce que j'ai fait un petit boulot. Bon, j'ai de temps en temps, pour gagner sa croûte. Ouais. Donc, j'étais dans une entreprise où j'étais assez maltraitée par une assistante de direction. Et du coup, pour me guérir de ça, faire une catharsis, j'ai écrit ce sketch pour me mettre dans la peau de ça. C'est-à-dire, c'est un peu en mode pervers narcissique, pour le coup, où tu inverses les rôles. Ouais, ouais, tu fais l'effet miroir et tu deviens l'autre pour comprendre déjà le mécanisme. Exorciser, comprendre le mécanisme, parce que c'est toujours intéressant de comprendre ce genre de mécanisme. Ouais. Et puis me mettre dans la peau de la méchante. Et c'est Monique, elle est née comme ça. Monique, elle est née d'une observation. Ouais. Elle existe. Elle existe, peut-être pas à ce point-là quand même. Non, parce que là, c'est vraiment là, c'est ouais. high level, quoi. Je veux dire, la meuf. Oui, mais c'est parce que. Elle a pris, elle est au 9e étage, la meuf. Hein. Oui. Elle est en orbite. Hein. Oui. Mais tu prends aussi quelqu'un qui existe, mais en centuplant ce qu'elle est. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Là, je me suis fait plaisir. Là, j'ai fait une méchante, très, très méchante. Ah ouais. Mais ça peut exister. Là, on a est-ce que ça t'arrive de chanter aussi? Non, pas trop, comme m'a dit un jour ma mère. Elle dit, ah ouais, toi, tu devrais aller chanter dans le métro, qu'elle m'a dit comme ça. Ah ouais. Va chanter dans le métro, va chanter dans le métro. Va. Ouais, les gens, ils vont te payer pour que t'arrêtes. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Non, des fois, par contre, j'ai rencontré Eve Brenner. Je sais pas si tu connais Eve Brenner. C'était une voix très, très connue dans les années 70. Je connais Yul Brenner, mais c'est non. Elle est aussi belle que lui, mais c'est pas le même genre quand même. Eve Brenner, c'est une voix, elle a une voix merveilleusement angélique. Sa voix, c'est une scie. Et maintenant, c'est elle qui a coaché Mario Cotillard pour La Môme. Et un jour, elle me voit parce que je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis elle me dit, oh bah. Myrti, mais si tu sais chanter. Elle fait, mais moi je suis capable de faire chanter une chaise. Alors depuis j'ai retrouvé l'espoir. Ah oui, chanter. De chanter un jour. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Non, dans les graves ça va, mais j'ai pas la vocation de chanter, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais tu j'ai pas trouvé ma voix. C'est bon. Dans la chanson. Dans la chanson, oui. Mais toi, tu as compensé ça par les vidéos? Je compense, ouais. Ouais, c'est pas vraiment une compensation, hein. C'est. Ouais, mais. Ben, pour faire des fois la transition entre deux personnages pendant que tu te modifies. Ah oui, pardon, dans mon spectacle, oui. Oui, c'est en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans, mais d'ailleurs, c'est pas j'estime que c'est pas un travail terminé, parce que dès que j'ai envie de faire une vidéo, je la fais. Et c'est un travail qui s'appelle Myrti Bouffet. Et Myrti Bouffet, c'est tout un programme court. C'est des films d'une minute, de 1 minute à 1 minute 30, le plus long, qui sont sur les expressions de la langue française. Donc les expressions dans leur plus simple expression. Et du coup, il n'y a pas de. À part la chute finale, il n'y a pas de texte. C'est tout sur l'image. Donc c'est des photos que je retouche comme des tableaux, image par image. Un film d'une minute, ça me prend à peu près un mois parce qu'il y a des retouches très très. C'est de l'artisanat en vidéo en fait. Et là, je touche à peu près toutes les expressions un peu connues. Et du coup, je me suis aperçu qu'il y avait à chaque fois une expression qui collait à un de mes sketchs. Donc les femmes qui n'ont pas d'enfants, comment ça s'appelle avoir un polichinelle dans le tiroir. Donc tu vois, ça colle. Le Queen Moule, c'est un film, c'est les sirènes, c'est coincer la bulle, enfin, faut voir le truc, mais il y a toujours une expression qui correspond. Et du coup, c'est hyper raccord, et moi, ça me permet de changer de costume. Pendant ce temps-là, ça permet aux gens aussi de respirer un peu, ouais. Parce que quand tu t'es pris quand même 5 minutes de sketch, il faut quand même réfléchir, tout ça. Il y a un petit moment où tu as envie de souffler, donc la petite vidéo, boum. Mais en moyenne, c'est ça, tes sketchs durent quoi, 5 minutes, ouais. Pas plus Non, parce qu'après, c'est trop. 5 minutes, c'est le bon timing, je trouve. 5 minutes, et les vidéos, c'est une minute à peu près. Et tu fais un spectacle d'à peu près 50 minutes? Non, le dernier, il fait plus que ça, il fait 1h20. Oh. Après, tu peux en trouver quelques-uns, mais c'est entre le plus court faisait 1 heure. Comment tu places tes sketchs un peu comme un chanteur qui. Il dit au revoir, Livo. C'est qui, ah, c'est ton ami? Non, c'est le monsieur qui servait. Ah oui, mon ami. Il est gentil, il me dit au revoir. Oui, ben oui, il est sympathique. Il est sympathique. C'est un peu comme un artiste, une chanteuse qui prépare un album. Elle place les titres, donc elle sait déjà comment les chansons vont passer. Et toi, comment tu... Ah, c'est quand même... C'est-à-dire que ça doit être toujours... tu vois, c'est comme une course, c'est comme pour gagner une course. C'est-à-dire que pour y aller crescendo, tu peux pas dire au public, comme dirait, je t'emmerde tout de suite, quoi. Ouais. C'est pas très poli. Donc, faut y aller mollo. Après, ça démarre fort quand même. La femme qui veut pas d'enfant, ça démarre un peu. Tu vois, ma première phrase de spectacle, c'est mon premier bide, tu vois, mon premier bide, voilà, un spectacle qui commence en disant que c'est mon premier bide, ça démarre bien. Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est pas encore trop violent, quoi, parce que il y a quand même de la violence dans le spectacle, il y a du gore. Et puis ça va petit à petit, mais il faut terminer en beauté. Donc tu peux pas terminer sur un sketch corner. Il faut accrocher. Donc à la fin, je termine sur Mamie Tatou, qui est une 68arde, une chieuse intégrale, qui peut être moi quand j'aurai son âge, qui peut être ma mère, qui peut être ma grand-mère, qui sont tous les 68ards qui nous cassent les bonbons depuis un moment quand même, ouais, si méchant. Ouais. Mais je les aime, les adore, mais enfin, bon, ça va quoi. Et du coup, je me venge un peu comme ça, mais Mamie Tatou, c'est une nana, entre guillemets, de ma génération, qui est tatouée partout. Ah ouais. C'est une grand-mère, comme on va les connaître dans pas longtemps, c'est-à-dire... qu'on connaît déjà. Qu'on connaît déjà, bah pas encore. C'est pas encore ça. Mais tous les jeunes tatoués vont devenir des vieux 68 ans tatoués, et ça va être des rebelles, quoi. Et ça va être des grands-parents comme ma mère qui veulent pas garder les mômes. Enfin, c'est des révoltés, quoi. C'est un mix de 68 ans et de jeunes de maintenant qui vont finir vieux tatoués, quoi. Et Mamie Tatou, c'est un phénomène, quoi. Et du coup, ça finit, mais c'est rock'n'roll, quoi. Et ça finit en... C'est du Iggy Pop, la fin du spectacle. Je vais pas raconter, mais c'est Iggy Pop sur scène, quoi. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.